Ebanao, Mokoze la trop mama Ebanao, Ebanao, Ebanao, Mokoze la trop mama Lokute tunda bango na monoko, promesse ndenge na ndenge Nako sombela yo lopango, nako sala nyonso lingaka Sala keba chérie, sela mokombo so azanga kanyonso Luka oyo moteme lingi, azala malore to richeo Ebanao, ebanao, ebanao, mokoze la troma mae Kondi mabindi mela te chérie, talanda kona yeo Esika pemisa kampanzi, mbutu etonda makambo Ngai na balaka tenanti na ompona mikoka na ngayo Na boya nkaka na nzoto, liberte ya ngai moya Ebanao, ebanao, ebanao Mokoze la troma mae Otamboli na kati ya nzela, okutani na mobali ya jaguar Olobi ozwi ya yongala Verifie nanu mama Fungola nanu kapu ya motuka Esika motere zalaka Banyongo ya banke nyoso etonda Yangonde esanse ya voiture Ebanao Ebanao Ebanao Pokoze la trop mama Bali a jaguar rubina si verifie na no Uto etonda makambo Onzo kwa lubaki Lokuta etonda bango na monoko Promese ndenge na ndenge Nako sombela yolo mpango Nako sala nyonso ringaka Sala keba chérie Zela mokombo so azanga kanyonso Luka oyo mote melingi Azala malore to richeo Ebanao, ebanao, ebanao Okoze la trop mama Otamboli na kati ya nzela Okutani na mobali ya jaguar Olobi ozwi ya yongala Verifie nanu mama Fungola nanu kapo ya motuka Esika motele zalaka Banyongo ni ya banke nyoso etonda Yango eko tambusa motuka Ebanao, ebanao, ebanao Okoze la trop mama Ebanao, ebanao, ebanao Okoze la trop mama A tout à coup, ouais En même temps, oui. Malheur aux imitateurs. Vraiment, aïe aïe aïe maman Nangai. Daniel, eh? Lisa ton comme un musicien. Notre musique est faite pour vous faire danser et vous donner la joie. Eh bien, nous sommes avec vous, car la musique doit donner du plaisir. Et avec ça, tout un chacun essaie de se créer un monde à lui et pour ses propres plaisirs. Bayumae bakende bakoma kobangisa lomboka muzungwe. Asira e bakoma kolobalo bampamba e bayuma e. Bamaska bakende bakoma kobangisa lomboka muzungwe. Se banco ma colo balo ba pamba e da yuma e. Bayanke bakende banco ma ko bangisa na mboka muzungwe. La vraie couleur. Aha!